Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Je dis bonjour à tout le monde. Je voudrais juste partager avec vous cette petite exhortation. Jésus a dit, je dis bien Jésus, dans Matthieu, au chapitre 12, au verset 43, Jésus dit ceci: lorsqu'un esprit impur quitte le corps, parce qu'on l'a chassé, Jésus dit, il va dans les lieux arides, chercher du renfort. Là-bas, il n'a pas de repos. Il va chercher parmi les démons les plus puissants que lui, pour les ramener là où il vivait au départ. C'est-à-dire dans le corps de la personne, dans le corps où ils ont été chassés. Et Jésus dit, quand ils vont revenir, s'ils trouvent la maison vide, ils rentrent. Lui et le renfort qu'il a été cherché. Et la condition de la personne sera pire que la première. Ça, c'est Jésus qui le dit. Mais remarquez que Jésus dit que lorsque l'esprit a été chassé, il va chercher du renfort, oui. Mais quand il revient, s'il trouve la maison vide, c'est ça, s'il trouve la maison vide, il ne peut rentrer que s'il trouve la maison vide. Qui doit occuper la maison? Il a été chassé cet esprit. Il veut revenir. Il faut qu'il trouve un locataire, quelqu'un d'autre dans cette maison-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut rentrer que si la maison est vide. Ça, c'est ce que Jésus dit. Toi qui veux la délivrance, il faudrait que tu saches que c'est bien beau qu'on chasse les démons qui sont en toi. Mais tu as intérêt à t'engager à fond, esprit, âme et corps pour Jésus. Tu as intérêt de demander à Jésus de te baptiser du Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit vient occuper la maison, ceux qui ont été chassés là et qui ont été cherchés du renfort, quand ils vont revenir, ils vont dire, oh, c'est comment? On dirait que la maison est occupée. Parce que vous savez, la Bible dit, quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le met en fuite. Parce que quand les démons vont remarquer comme ça, oh, mais attends, c'est qui ça? Mais, il n'est pas comme nous, ce n'est pas un démon là. Non, non, non, non, non. Oh, ça doit être le Saint-Esprit. Prenons la fuite, oh, c'est la fuite. Il faut que la maison soit occupée. Jésus dit, quand ils vont revenir, si la maison est vide, ils vont dire, oh, on peut aller. Mais comment faire pour que la maison ne soit pas vide? Toi qui cherches la délivrance, mon Dieu, combien de coups de fil? Frère, j'ai déjà vu beaucoup d'hommes de Dieu. Ma situation ne change pas. Je veux que tu pries pour moi. Tu n'entends que ça, des personnes qui ont besoin de délivrance, des hommes comme des femmes. Oh, je reviens du village, j'étais au pays, ça fait 2 semaines, je viens d'arriver, on dirait qu'on m'a fait des choses là-bas en sorcellerie, je ne me sens pas bien, j'ai besoin de délivrance. Tu n'entends que ça. Oh, je crois que mon mari m'a fait des choses, on dirait qu'on m'a mis des trucs dans la nourriture, j'ai besoin d'une délivrance. Gloire à Dieu. L'enfant de Dieu a droit à la délivrance, car Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Nous avons droit à la délivrance. Mais ce que beaucoup de personnes ne savent pas ou oublient, une délivrance, on la conserve. Dieu n'est pas un médecin. Je vais juste aller le chercher, il me fait 2-3 piqûres et puis... je viens m'asseoir chez moi. J'irai encore le voir que si j'ai un petit bobo. Oh, beaucoup fonctionnent comme ça. Beaucoup croient que Dieu est comme ça. J'ai juste besoin d'une délivrance. Beaucoup d'hommes sont comme ça. Souvenez-vous des 10 lépreux. 10 sont allés voir Jésus. Ils avaient besoin de guérison. La Bible dit 9. Après la guérison, ils ont tourné le dos à Jésus. Ils sont partis. Il y a une personne qui a suivi Jésus. Les 9 là qui ont reçu la guérison et qui sont partis au quartier, si demain ils ont la tuberculose, ils vont encore chercher. Jésus se trouve où en ce moment? Il est dans quelle ville? Beaucoup sont comme ça. À chaque fois qu'ils ont un truc, c'est-à-dire, Dieu pour eux, c'est comme un guérisseur, un médecin. On va le voir que quand il y a un problème, c'est ça les 9 lépreux. Comme ils ont eu la guérison, ils sont retournés, ils n'ont plus besoin de Jésus, ils ne sont plus revenus vers Jésus. C'est une seule personne qui est revenue, pourtant c'était 10. Les 10, les 9 lépreux là, quand ils auront demain la rage ou le choléra, ils vont commencer à dire, ok, et bon, Jésus se trouve dans quel coin en ce moment? Il faut aller le voir. Parce que c'est lui qui m'avait d'abord guéri de la lèpre. Beaucoup fonctionnent comme ça avec Dieu. On le cherche que lorsqu'ils ont un problème, et quand Dieu fait le miracle, on tourne le dos, on va encore le chercher que lorsqu'on aura un petit problème. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu veut des personnes qui l'aiment. Des personnes qui viennent à lui avec amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas te séparer de la personne. Toi, tu viens chercher un miracle là. Tu n'aimes pas Dieu. Tu ne l'aimes pas. Tu viens là par intérêt. Tu veux juste une guérison. Tu veux juste une délivrance. Tu veux juste une bénédiction. Mais tu ne l'aimes pas. Parce que quand tu aimes vraiment quelqu'un de tout ton cœur, tu n'as pas envie de te séparer. Tu veux tout le temps être. Tu veux être avec la personne à tout moment. Parce qu'il y a de l'amour. Tu ne peux pas supporter. N'est-ce pas d'être loin de la personne? Tu veux tout le temps entendre sa voix. Chérie, ça va. Comme les femmes font quand une femme est amoureuse. C'est très important. C'est ça la délivrance. Tu veux la délivrance. Tu veux que Dieu te délivre. Mais ne viens pas chercher qu'une délivrance. Mais il faut que tu saches que la délivrance, on la conserve. Parce que ceux qui ont été chassés là, qui reviennent, si la maison est vide, ils rentrent avec le renfort. Et Jésus dit, la condition de la personne sera pire, pire. Si cette personne, le démon de cigarette qui habitait en lui, le démon de drogue, de cannabis qui le possédait, le poussait à fumer 2 joints par jour, mais comme les démons qui sont partis là ont été chercher des esprits plus forts, tu ne seras plus à 2 joints, tu vas être à 20, 30 joints par jour. Jésus dit ta condition va être pire. Si tu buvais 2 bières, on a chassé ce démon là d'alcool. Comme il a été chercher du renfort, tu ne seras plus à 2 bières, tu vas être à un casier de bières. Si tu avais 2 rapports sexuels par jour, on a chassé le démon de sexe là. Comme il a été cherché du renfort, tu ne seras plus à 2 rapports. Ça devient, comment dire, tu deviens obsédé, chronique. Tous les 5 minutes, tu veux un rapport. Parce que là, tu es possédé à un niveau élevé. Tu deviens obsédé. Il faut que les démons qui ont été chassés, quand ils reviennent, Jésus dit, ils chercheront toujours à revenir. Si Jésus le dit, c'est que ça veut dire que c'est comme ça que ça se passe. Il faut que tu saches que lorsqu'on te fait une délivrance, les esprits qui sont passés là, ils veulent revenir. C'est ce que Jésus dit. Ils viendront inspecter si la maison est vide ou occupée. Oh, on a déjà prié pour moi. À un moment donné, ça s'est calmé. Mais le problème est revenu. Mais oui, parce que les esprits sont revenus. Quand ils reviennent, ils regardent si la maison est occupée. Jésus dit, s'ils trouvent que la maison est vide, ils rentrent. Le Saint-Esprit doit occuper la maison pour que les démons n'aient plus accès. Il faut que le Saint-Esprit occupe la maison. Beaucoup cherchent la délivrance. Combien de personnes font, je suis à Grenoble, j'ai besoin d'une délivrance. Parce que ça fait des années, j'ai déjà vu beaucoup d'hommes de Dieu, ça ne change pas. Ok, tu es marié? Non, j'ai un copain. Ah bon? Tu ne sais pas que le péché ouvre la porte aux démons? Ça sert à quoi de te faire une délivrance? Parce que quand les démons vont partir, Jésus dit, ils cherchent toujours à revenir, occuper là où ils étaient. Mais si toi tu es dans le péché, tu ouvres la porte, ils reviennent. Une délivrance, ça se conserve. Il faut prendre la décision de fermer toute porte pour qu'il ne rentre plus. Et tu as un copain, tu vis dans le concubinage, c'est pas la peine qu'on chasse les démons qui sont en toi, c'est même pas la peine, parce que ton péché va ouvrir la porte, ils vont revenir avec du renfort et ta condition va être pire. Faites les délibérations. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je suis devenu prudent. Je pose des questions. Si tu as un copain, c'est pas la peine, tu ne peux pas garder une délivrance. Parce que quand tu vas aller coucher avec lui là, ton péché là va ouvrir la porte et les démons qui ont été chassés reviennent. Ils reviennent. C'est pas la peine. Oh Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu ont déjà prié pour moi, ça ne change pas. Ah bon? Est-ce que tu vis dans la sanctification? Parce que c'est la sanctification qui ferme les portes. Mais si tu sais que tu as un copain, ne cherche pas une délivrance. C'est pas la peine. Parce que ton péché va ouvrir la porte et ils vont revenir. Une délivrance, on la conserve. Si tu n'es pas capable de conserver une délivrance, ne la cherche pas. On court d'homme de Dieu à homme de Dieu, alors que ton péché fait que les démons qui te torturent là, le mari de nuit là, il ne peut pas partir. Il faut être déterminé. Ma soeur, tu m'entends? Mon frère, tu m'entends? Si tu as un copain, tu ne veux pas couper ça, ce n'est pas la peine. Ne cherche pas une délivrance. Mais si tu es prête à abandonner ça, oui. Parce que le péché ouvre les portes. Mais si tu ne pêches pas, tu es dans l'enclos, tu es barricadé, la porte est barricadée, ils ne pourront pas entrer. Beaucoup cherchent la délivrance. Alors qu'ils vivent dans les concubinages, ils ont des copains, ils couchent avec le pasteur, il a le copain au quartier. Mais il veut une délivrance. Non, ça ne marchera pas. Parce que ton péché ouvre la porte. Ils vont venir. La balle est dans ton camp. À toi de choisir si tu veux conserver une délivrance. Si tu sais que vraiment mon copain là, je n'ai pas envie de couper ça, ce n'est pas la peine. Ça sert à quoi? Parce que le païen, là, la Bible dit, l'homme quitte son père et sa mère, les deux deviennent une seule chair. L'homme avec qui tu couches, vous devenez une seule chair. Les démons qui sont en lui, puisque lui c'est un païen. Lui c'est un païen. Donc les démons qui sont en lui rentrent en toi, quand vous êtes collés là. Les démons voyagent d'un corps à l'autre au moment où vous êtes collés. C'est pourquoi un rapport sexuel, c'est dangereux. Quand tu es collé à quelqu'un, le lit, les démons voyagent d'un corps à l'autre. Celui qui avait les démons passent au moment où vous êtes relié. Comme vous êtes relié, ça passe d'un corps à l'autre au moment où vous êtes relié. C'est pourquoi on ne couche pas avec n'importe qui. Toi, on t'a montré l'argent. Tu dis, oui, je vais avoir son pognon. Mais au moment où vous allez être relié là, tu étais dans la sanctification, mais lui c'est un païen. Dieu avait dit que les démons qui habitent en lui vont passer par le sexe au moment où vous êtes relié. Quand vous êtes connecté là, c'est là où ça va d'un corps à l'autre. C'est pourquoi quand tu vas dans la fornication là, tu as besoin de délivrance. Parce qu'il y a quelque chose qui est passé au moment où vous étiez collé. Oh, le mari de nuit là ne part pas. Ah bon? Quelques hommes, les hommes de Dieu ont déjà prié pour toi. Oui, plusieurs hommes de Dieu. Mais ça ne change pas, frère. Je ne sais plus quoi faire. Ah bon? Beaucoup cherchent la délivrance. Ils ne sont pas capables de conserver une délivrance. L'esprit impur qui va être chassé va dans les lieux arides. Jésus dit, il ne va pas dans les lieux arides pour t'oublier. Le démon qui a été chassé de toi ne t'oublie pas. Il ne t'oublie pas. Jésus a dit, va dans les lieux arides juste pour chercher du renfort. Pas pour t'abandonner. Pas pour te dire bye bye, au revoir. Non, il va juste dans les lieux arides pour chercher du renfort. Et une fois qu'il a le renfort, il revient. Et il regarde la maison, si la maison est vide. Comme la maison est vide, il rentre. Mais il faut qu'il trouve un locataire dans la maison. Et ce locataire qui peut les faire peur s'appelle le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit en toi. Parce que quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le met en fuite. Quand ils vont venir comme ça, ils vont voir que, oh, la maison là brille maintenant. La maison brille. Qui est dedans? Le nouveau locataire, c'est qui? Le Saint-Esprit. C'est la fuite. Parce qu'ils ont peur du Saint-Esprit. Donc, je voulais dire cela. Beaucoup de personnes cherchent la délivrance, mais ils vivent dans le péché. Si tu vis dans le péché, ta délivrance ne sert à rien. Tu ne peux pas la conserver. Parce que ton péché va ouvrir la porte pour que les démons qui sont partis reviennent. Mets-le bien dans la tête. Si tu veux garder la délivrance, si tu ne veux plus que le mari de nuit vienne, si tu ne veux plus que tu sois tourmenté, empêche, il faut barricader ta maison. N'ouvre pas les portes pour qu'ils reviennent. Et je vais terminer en m'adressant à des couples. Combien de couples ont des problèmes? Parfois, ils dorment chambres séparées. À la maison, il y a la tension. Ça ne va plus. Au début, il y avait de l'amour, il y avait de la communion. C'était vraiment la main dans la main, mais depuis un certain temps, ce n'est plus ça. L'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, les deux deviennent une seule chair. Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden. C'est un couple uni. Pour détruire le couple, pour détruire ton couple, Satan, il faut qu'il entre dans la maison. Parce que si toi et ton mari, vous êtes dans votre maison, vous avez verrouillé la porte, l'assassin qui est dehors là, il ne peut pas toucher ni à ton mari, ni à toi. Parce que la porte est verrouillée. Mais si le mari ouvre la porte, l'assassin va s'en prendre et au mari et à toi. Même si c'est la femme qui ouvre la porte, l'assassin rentre, il te touche toi, il touche ton mari. Quand vous êtes unis, la femme dans la fidélité totale, l'homme dans la fidélité totale, le démon là que j'appelle l'assassin ne peut pas entrer. Le couple est soudé. Regardez comment Adam et Ève sont tombés à terre. C'est Ève qui a ouvert la porte. C'est Ève. Quand vous êtes ensemble mariés, il ne faudrait pas que le mari ouvre la porte parce que le démon d'infidélité qui va rentrer là, il va aussi influencer la femme. J'ai entendu une femme me dire, quoi? Moi je ne l'ai jamais trompé, mais lui couche avec des femmes, moi je veux m'en priver, pourquoi? Moi aussi je veux faire comme lui. Mais oui, parce que Satan est rentré. C'est-à-dire quand vous êtes mariés, il faudrait que la femme soit fidèle, l'homme fidèle. Parce que si l'un de vous ouvre la porte, le diable rentre dans le cou, c'est le désordre, c'est la guerre. Il n'y a plus d'amour, c'est des tensions. Satan va commencer à dire à la femme, le téléphone de ton mari qui sonne là, c'est une femme. Parce que la Bible dit, l'amour ne soupçonne point le mal. Quand les démons rentrent dans un couple, il y a déjà le soupçon. Satan va mettre le soupçon dans les têtes. Il est 19h, il est parti du boulot à 17h, il n'est pas encore rentré. Il est maintenant avec une femme. C'est Satan parce qu'on l'a fait entrer dans le couple. Satan est rentré. Et quand Satan rentre, Jésus nous a dit, il vient pour détruire, pour diviser ton couple, pour détruire ton couple. Mais il ne faudrait pas que l'un de vous ouvre la porte. L'assassin est dehors, vous avez verrouillé la porte, c'est-à-dire la fidélité absolue. Je ne trompe pas mon mari, je ne trompe pas ma femme. Satan ne peut pas rentrer. Mais malheur, si l'un de vous ouvre la porte, l'assassin qui est rentré là va s'en prendre à vous deux. C'est ça qui fait que beaucoup de couples sont à terre, parce qu'ils ont fait entrer le diable dans le ménage par l'infidélité. Quand le démon de l'infidélité rentre, ce couple-là, c'est fini. Parfois, des gens restent. Ce n'est pas tout le monde qui divorce, mais il y a des personnes juste pour l'apparence. Mais dans la maison, ce n'est plus ça. Je connais un frère qui m'avait dit, frère, si quand des gens viennent chez moi, vous allez voir moi et ma femme sourire, chérie, ça va, je sers quoi. Il dit, une fois que les invités s'en vont, on ne se parle plus. C'est-à-dire, on fait seulement semblant quand il y a des invités. On fait semblant. Comme un couple qui marche. Mais une fois qu'au revoir, au revoir, bon, à la prochaine, qu'on ferme la porte, moi et ma femme, on ne se parle plus. Il y a des couples comme ça. C'est parce que le diable est rentré. Vous faites semblant aux yeux des gens d'un couple. On vous a invité à une soirée, vous venez ensemble. Alors que quand vous êtes à deux, c'est complètement froid. C'est la guerre. Il n'y a pas d'entente. Chacun est dans son coin. Mais quand les invités arrivent, vous faites semblant d'un couple qui marche. C'est parce que l'un de vous a ouvert la porte. Soit la femme avait trompé son mari, soit le mari a trompé sa femme et le diable est rentré dans le couple. Satan vient pour détruire votre couple. Satan vient pour vous diviser. C'est ce que Jésus dit. C'est pourquoi il faut être fidèle. Beaucoup de couples sont à terre parce que quelqu'un a ouvert la porte. L'infidélité fait entrer le démon dans votre couple. Et quand il vient dans votre couple, c'est pour vous détruire. C'est pourquoi? Pour arrêter ça, il faudrait que la personne qui a ouvert la porte confesse son péché à Dieu et implore la grâce de Dieu dans le ménage avant que Satan ne fasse des dégâts. Mais si tu caches là, Hein, le téléphone sonne parce que la petite copine de dehors a appelé et tu mens à ta femme. Bon, chérie, je m'en vais à la station d'essence alors que c'est pour aller la trouver. Mais tu es en train de détruire ton couple. Parce que quand tu fais ça, tu fais rentrer des démons dans ton ménage. Adam et Ève sont tombés à terre au jardin d'Éden. C'est Ève qui avait ouvert la porte. Mais dans le bon ménage, il y a parfois des couples où c'est l'homme qui a ouvert la porte au diable. Et une fois que Satan rentre, c'est pour venir vous diviser. Bien-aimé, il ne faut pas ouvrir la porte. Il ne faut pas ouvrir. Il y a plusieurs portes. Vous êtes ensemble. Votre conseiller, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui doit vous conseiller quand vous avez un problème, quand vous avez un souci, quand vous avez un projet, allez à genoux pour que Dieu vous parle. Il y a plusieurs portes. Il y a la porte du sexe. Il y a aussi d'autres portes. Peut-être le gars là, lui, il n'y a que sa mère. Lui ne fait que ce que sa mère dit. Mais non, si tu es en couple et que vous êtes chrétien, c'est Jésus qui est le guide de votre ménage. Ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas ton père qui guide ton ménage si tu as Jésus. Tu es à Ève est là, Adam est là. Dieu est au milieu pour vous diriger. Si tu es chrétien, ce n'est plus ta tante qui guide ton couple. Ce n'est plus ta maman. Si tu es chrétien, c'est Jésus le guide de ton couple. Et beaucoup de couples sont à terre comme ça parce que si c'est ta maman, le diable va passer par ta mère. Tu devrais te mettre à genoux pour que Jésus te guide par le Saint-Esprit. Ce n'est plus à ton père de te guider. Ton père n'est pas le guide de ton ménage. Le guide de ton ménage, c'est le Saint-Esprit. Parce que papa aussi est une porte. Si papa t'a dit quelque chose, il n'est pas question de désobéir aux parents ou d'être impoli vis-à-vis des parents. Non! Mais si papa te dit quelque chose à maman, ok maman, mais tu viens prier si Dieu confirme ça. Tu dois venir prier. Est-ce que ce que papa m'a dit à maman, est-ce que Jésus est du même avis? Et Jésus va te convaincre. C'est pas parce qu'ils ont dit, tu viens appliquer comme une machine programmée. Ça peut aussi être une porte. Beaucoup de couples sont à terre parce qu'ils ouvrent des portes. Quand on est en Christ et qu'on s'est marié, c'est Jésus le guide du couple. C'est lui le conseiller. C'est pas la mère. C'est pas la tante. C'est pas toi et tes meilleurs amis, tes collègues de travail. C'est pas eux le conseiller. Parce que si c'est d'autres personnes les conseillers en dehors de Jésus, Satan va passer par là et le couple sera à terre. Parce que Satan cherche une porte. Il n'y a pas que la porte du sexe. Il y a d'autres portes aussi. C'est pourquoi vous devez faire attention. Parce que si vous ne mettez pas Jésus au centre de votre couple, mon frère, ma soeur, votre couple là, c'est un feu de paille. C'est juste pour un temps. Juste pour un temps. Parce que la Bible dit quoi? Tout subsiste en Jésus. Tout subsiste en lui. Ce n'est qu'en lui que tout subsiste. Votre mariage ne peut tenir longtemps qu'en lui. Qu'en lui. Tout subsiste en lui. Il n'y a qu'en lui que ça tient longtemps. Quand Jésus est le bouclier, le pilier de ton ménage, Satan ne peut rien, les hommes ne peuvent rien. Ton père te dit, mon fils, comme ça, aujourd'hui, oui papa, avec politesse, mais tu viens à genoux pour consulter le guide de votre ménage, Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est de même avis que ce que papa m'a dit là? C'est ça un enfant de Dieu. Parce que le diable peut passer par les parents. Donc, bien aimé, c'est ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous bénisse.